J'ai plus le temps pour vos commentaires. Je m'en bats les couilles, je fais remonter le niveau du compte bancaire. Ligne après ligne, faudrait que ça fasse le tour de la France entière. Rime après rime, j'ai pu transposer ma colère et consoler par les vers. J'ai consommé trop d'impair pour être innocent. Si j'ai pas l'air d'être là, c'est qu'en fait, je suis comme mon père, j'ai l'air absent. Un souci dans la carte mère et la chose n'est pas naissante. C'est déjà fou de se croire partenaire avant qu'on fasse connaissance. Oh les mecs, je vous avais dit que j'arriverais tard, que le seum partirait tard. Qu'il y aurait comme un coup de zonard dans le couplet. Je noircis des paplards, je sais qu'un taf de bâtard me paie. Faut qu'il soit patate le paix, pour ça y'a pas de désordre. Tu peux ranger ton casque bleu, j'suis pas venu pour la guerre. Certes j'ai mes armes, mais j'ai pas d'adversaire. Entre les rêves et le cauchemar, y'a vraiment de quoi friser l'ulcère. S'te plaît MC, arrête tes chars, y'a pas que de ta bouche que tu te cernes. Donc viens pas m'exciter, j'veux pas tes faces de tarlouse, même si j'parlais de mixité. Impliqué dans mes tracks, mon frère, j'ai même plus le temps d'hésiter. Résister, faire ses choix, moi j'appelle ça exister. Eh hey, j'ai plus grand chose à faire, et plus grand chose à perdre. J'ai pas pu me la fermer, donc j'boxe le beat. Hey, pour la suite, on verra. Si la sueur et le travail paiera, tu veux le buzz, tu sais pas faire. Bouge ton cul, Lexi Pantera. J'ai plus grand chose à faire et plus grand chose à perdre. J'ai pas pu me la fermer, donc j'boxe le beat. Et pour la suite, on verra. Si la sueur et le travail paiera, tu veux le buzz, tu sais pas faire. Bouge ton cul, Lexi Pantera. J'suis le taureau qui shoot le matador et l'équation que les matadors. J'suis l'énigme à trouver. Viens pas prouver que nos âmes ne pèsent pas. Alors ça pète des plombs comme après une baisse d'alloc. Ton taf n'a rien de bon. Les petits préfèrent les journées presse de loc. Et c'est pas moi qui l'invente. Va les sonder les gars qui zonent sous 3 litres de bière à polluer la couche d'ozone, on a le vécu, le destin qu'on a. Je navigue dans un coma, un des mes dépendants. Stopper la méfure reste un combat. En vrai, je creuse mon trou, j'ai pas l'élève d'Ariel Dombal. En bref, je prends mon bout, je suis pas très loin de ma pierre tombale. Je préfère atomiser, viser sans minimiser l'idée que ça puisse toucher l'Elysée. Le tout devant un public aiguisé. Oh! Donc tu sais qu'il y aura pas de cadeau. Sur scène, on saigne les cordes, on porte le poids de nos travaux. Si la poisse nous colle au cul, c'est pas si fou de nous voir si par haut. Même si le silence m'a détenu, le peur a si plus de si par haut. Eh hey, j'ai plus grand chose à faire et plus grand chose à perdre. J'ai pas pu me la fermer, donc j'boxe le beat. Hey, pour la suite on verra. Si la sueur et le travail paiera, tu veux le buzz, tu sais pas faire. Bouge ton cul, Lexi Pantera. J'ai plus grand chose à faire et plus grand chose à perdre. J'ai pas pu me la fermer, donc j'boxe le beat. Hey, pour la suite on verra. Si la sueur et le travail paiera, tu veux le buzz, tu sais pas faire. Bouge ton cul, Lexi Pantera. Box le beat, c'est pour mes guerriers, mes partenaires. Box le beat, c'est pour les derniers réfractaires. Box le beat, ceux qu'on pas tout suivi. Box le beat, ceux qui manquent pas de survie. Ouais ouais. Box le beat, celle-ci c'est pour Mike Lee Croy. Box le beat, KCR on est Al. Box le beat, Crump, c'est comment les gars? Box le beat, 2LC Ben Junior. Box le beat, Casti, Timère frérot. Box le beat, y'a Didier le Polonais. Box le beat, à tous les beatmakers. Box le beat, Baka H.